Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Oui, le bulletin de sport local et régional, d'abord en parlant de Marie Besson. Marie Besson qui était en action hier au jeu panaméricain. Et la Dolmissoise a perdu à deux reprises. D'abord, elle a perdu contre la péruvienne Brittley Gamara. Donc, l'athlète de 21 ans avait la chance également de se reprendre et de participer au repêchage. Et ça a été une défaite encore une fois contre la Dominicaine Diana De Jesus. Donc, c'est terminé pour Marie Besson de Dolbeau-Mistassini. Parlons maintenant de soccer. Il y avait des matchs hier dans les différentes ligues de soccer. Ça se déroulait hier. D'abord, faites à noter que dans les rencontres hier, la formation du Mistral a gagné 7-3 contre le Mistral U9. On parle évidemment de catégorie U9 masculin. Aussi, ce qu'il faut mentionner, victoire du FC de Saint-Félicien 2-1 sur l'Union de Robertval dans un match de catégorie 14. Et maintenant, dans la catégorie U14 masculin toujours, gain de l'Union de Robertval 4-1 contre le Boreal d'Alma. Aussi, victoire de 5-1 du FC de Saint-Félicien dans la catégorie U16 contre la formation du Chinook de Chicoutimi. Et c'est ce qui complétait évidemment le tour du côté du soccer régional. Il y avait également des matchs hier à Robertval dans le cadre de la Ligue de Balmol de Robertval. Et hier, ce qu'il faut noter, victoire du Garmin 9-7 sur le Pézato Roussel, Megavac 10-W9 et le Zodiac a défait le Saint-Hubert par la marque de 14-6. On rappelle aujourd'hui que c'est le début de la classique de volleyball Janie Larouche. Ça va avoir lieu évidemment à Normandin. Environ 88 équipes vont s'affronter. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.